Rondeau. Allez. Cosa más triste que un huerto feliz. Perdona si no estoy siendo una cuando te veo. Por si recuerdan de este castigo. Perdona por quererte, pero hacerlo a mi manera. Por ser tú en este mundo lo que yo más quiero. No creas, cariño, que es tan fácil olvidar los años que pasamos, otros años quedarán. I try to speak in español. En tu corazón dormido, vagando por tu camino, eres, fuiste y serás los más grande que yo he tenido. Perdóname por querer entregarte mi vida. Perdóname. Tengo que volar. tengo que volar. No hay cosa más triste que un recuerdo feliz. El poder de recordar yo no puedo estar allí. Sentir la felicidad. Oh oh, j'aurais mieux dû fermer ma gueule. La route est longue, toujours très longue. Ouais, j'ai trouvé une chanson. I'm ready. La route est longue. La route est longue. Yeah. La route est longue. Jayendra, il est parti, je crois que il n'était pas content, il n'était pas content, il est plus content, Jayendra, c'est dommage, il jouait. Gagnait-on sur le bitume comme une cigarette qu'on anime, gagner du temps sur le bitume, c'est une vie qui se consume. Il est midi, et moi je glande. Il est midi, je suis encore en pyjama. Oh putain, cette vie. Oh, j'ai mal au dos, et ça me fait chier, j'ai mal au dos. Give me the good bit.